Auburn. Tes yeux, tes cheveux indécis, l'arc mal précis de tes sourcils, la fleur pâlotte de ta bouche, ton corps vague et pourtant dodu, te donnent un air peu farouche, à qui tout mon hommage est dû. Mon hommage, ah parbleu, tu l'as, tous les soirs, quelle joie est sous là, ô ma très sortable châtaine, quand vers mon lit tu viens, les seins roides et quelque peu hautaines, sûre de mes humbles desseins, les seins roides sous la chemise, fière de la fête promise à tes sens partout et longtemps, heureuse de savoir ma lèvre, ma main, mon tout, impénitent de ses péchés, qu'un fol s'en sèvre. Sûre de baisers savoureux, dans le coin des yeux, dans le creux des bras et sur le bout des mâmes, sûre de l'agenouillement, vers ce buisson ardent des femmes, follement, fanatiquement. Et, hautaine, puisque tu sais que ma chair adore à l'excès ta chair, et que tel est ce culte, qu'après chaque mort, quelle mort, elle renaît, dans quel tumulte, pour mourir encore et plus fort. Oui, ma vague, sois orgueilleuse, car radieuse sourcieuse, je suis ton vaincu, tu m'as, tiens, tu me roules comme la vague, dans un délice bien païen, et tu n'es déjà pas si vague.